Me voici de retour avec vous, chers amis de Mochis. Et avec grand plaisir, nous allons continuer dans le train de la musique. Et pour nous accompagner, nous avons avec nous notre cher ami Gilbert Beco, hein, qui va nous chanter une musique vraiment, vraiment drôle. Ça parle du bain de minuit. Avez-vous jamais pris un bain de minuit? Après avoir bien bu, bien mangé, bien dansé, oh là là, et on rentre à la maison très fatigué, et on se met sous la douche, ou bien dans la cuvette, et on prend un bain de minuit. Et c'est ainsi que Gilbert Beco nous décrit ce bain de minuit. Écoutez-le. On aura beaucoup dansé, beaucoup trop dansé. Quand on aura beaucoup fumé, beaucoup trop fumé, on s'en ira de ce zinzin. Et je te prendrai par la main jusqu'à la mer où tout finit, au bain de minuit. On aura beaucoup marché, beaucoup trop marché. Quand on aura beaucoup flirté, un peu trop flirté. Comme le bon Dieu sera couché, j'ai peur qu'on entende siffler tous les serpents du paradis au bain de minuit. On aura tourné, viré, tourné, viré. Quand on aura pomme croquée, bien pomme croquée. Comme on aura déshabillé ces inconnus que l'on était, on sera vrai comme la vie au bain de minuit. Seront rentrés, les voiles pliées. Alors, tu me diras ton nom, et moi, je te dirai mon nom. Et à bientôt, et à Paris, on reprendra dix nos bains de minuit. Après le bain de minuit, c'est encore maintenant au tour de Charles Aznavour de nous dire comment mourir. Mais il nous le dit d'une façon vraiment douce. Les parois de ma vie sont lisses, je m'y accroche et je me glisse lentement vers ma destinée. C'est ainsi que Charles Aznavour nous décrit comment mourir. Ma destinée, mourir d'aimer, tandis que le monde me juge, je ne vois

attends-moi comme t'es pressé, tardé, oui, là où tu vas, je vais avec toi. On passe devant chez Louchot qui me fait, oh, me suis pas arrêté. Pardon Léo, moi je cours après un petit oiseau de toutes les couleurs, un petit oiseau de toutes les couleurs. Tiens, voilà, voilà. Sur l'avenue, je ne l'ai plus vu. Ah, j'ai cru que je l'avais perdu, mais je l'ai entendu siffler. C'était lui qui me cherchait, le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Où tu m'emmènes, où tu m'entraînes, va pas si vite. Attends-moi comme t'es pressé, dit, t'as rendez-vous, dit, là où tu m'as dit, je vais avec toi. On est arrivé sur le port, ils chantaient de plus en plus fort. C'est arrêté, m'a regardé, au bout de la mer, s'est envolé. Je suis beau, pas volé, je peux pas nager, je suis prisonnier, dit, n'en veux pas. Hé, hey, bon voyage, le petit oiseau, toutes les couleurs. Tiens, voilà, voilà. Nous avons couru avec le petit oiseau, nous l'avons suivi avec Gilbert Bécaud, nous l'avons suivi. Il a été devant chez Bouchki, il est passé là, il est arrivé sur le port. Maintenant, nous allons revenir du port pour nous arrêter à une ville qui s'appelle Trousse-Chemise. La fleur à l'oreille et avec deux bouteilles de vrai muscadet. Ah, c'est un vin très très apprécié. Et c'est là qu'on rencontre encore Charles, qui nous dit, lui aussi, ce qu'il a fait à Trousse-Chemise. Raconte-nous, Charles. Dans le petit bois de Trousse-Chemise, quand la mer est grise et qu'on l'est un peu, dans le petit bois de Trousse-Chemise, on fait des bêtises, souviens-toi, nous deux. On était partis pour Trousse-Chemise, guettés par les vieilles derrière leurs volets. On était partis, la fleur à l'oreille, avec deux bouteilles de vrai muscadet. On s'était baigné à Trousse-Chemise, la plage déserte était à nous deux. On s'était baigné à la découverte, la mer était verte, tu l'étais un peu. On a dans les bois de Trousse-Chemise déjeuné sur l'herbe, mais voilà soudain que là j'ai voulu d'un élan superbe conjuguer le verbe aimer son prochain. Et j'ai renversé à Trousse-Chemise, malgré tes prières à corps défendant. Et j'ai renversé le vin de mon verre, ta robe légère était 17 ans. Quand on est rentré de Trousse-Chemise, la mer était grise, tu ne l'étais plus. Quand on est rentré, la vie t'a reprise, t'as fait ta valise, t'es jamais revenu. On coupe le bois à Trousse-Chemise, il pleut sur la plage des morts de saison. On coupe le bois de la cage, où mon cœur trop sage était en prison. Laissant Trousse-Chemise, mes chers amis, nous nous sommes arrêtés pour rendre visite à notre cher ami Gilbert, qui était d'un air bien mélancolique, car il pensait au pianiste de Varsovie, qui lui faisait revivre des moments où lui aussi jouait Chopin sur son piano. Il joue bien Chopin, lui. Allons écouter cette musique qui s'appelle Le pianiste de Varsovie. Je ne sais pas pourquoi cette mélodie me fait penser à Chopin. Je l'aime bien Chopin, je jouais bien Chopin chez moi à Varsovie, où j'ai grandi à l'ombre de la gloire de Chopin. Je ne sais pas pourquoi cette mélodie me fait penser à Varsovie. Varsovie, une place peuplée de pigeons, une vieille demeure avec pignons, un escalier en colimaçon, et tout en haut, mon professeur. Plus de sentiments, plus de mouvements, plus d'envolées, bien, bien plus léger. Joue mon garçon avec ton cœur, me disait-il, des heures, premier concert devant le noir. Je suis tout seul avec mon piano, et ça finit par des bravos, j'en cueille par millions à tous les coins de l'horizon. Je ne sais pas pourquoi, mais tout cela me fait penser à Varsovie. Une place peuplée de pigeons, une vieille demeure avec pignons, un escalier en colimaçon. Mon professeur, tu sais, mon professeur.